Après ce début d'année 2020, qu'il faut bien l'avouer, aura été de très proche et ressemblait très près à une dystopie, et à l'approche de l'été, il est enfin temps de plonger dans une science-fiction qui ne soit pas apocalyptique. Une SF positive, lumineuse, utopique même, direction Terra Ignota, la Terre, mais dans 4 siècles. Et c'est une Terre avec un visage très différent, où les nations belliqueuses ont disparu, où le genre est souple, les religions sont un ancien souvenir. Bienvenue dans le monde de demain, signé Ada Palmer, une voix singulière et prometteuse de la nouvelle science-fiction, celle qui a cessé d'imaginer le pire pour penser à nouveau un monde meilleur. Ada Palmer, le côté lumineux de la SF, c'est le programme positif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et je précise que cette interview d'Ada Palmer a été enregistrée au mois de novembre dernier au festival Les Utopiales, et avec une voix un tout petit peu différente de celle d'aujourd'hui. Bonjour Ada Palmer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le premier tome de votre tétralogie Terra Ignota est publié en français, trop semblable à l'éclair aux éditions du Bélial, traduit par Michel Charrier, qui a gagné, été récompensé par le prix Hugo du meilleur roman 2017. C'est donc un univers monde. Le premier tome, celui-ci fait déjà plus de 650 pages. Il est immédiatement suivi d'un second tome que vous avez écrit dans la foulée, qui sortira dans les prochains mois, qui s'appelle « Cette édition ». Mais les deux derniers sont déjà écrits. J'ai fini le quatrième tome il y a une semaine et demie, donc il est tout juste fini. Et les premiers relecteurs sont en train de le lire et ils me font leur retour. Ce qui signifie que vous allez continuer à l'écrire, vous allez retravailler dessus, vous pensez pouvoir le publier dans combien de temps, terminer la série dans combien de temps? Je pense qu'il va sortir début 2021. Il y a encore quelques modifications. Vous savez, moi, quand je fais des modifications, c'est de l'ordre d'une phrase ou d'un paragraphe, parce que généralement, je fais une préparation très précise du livre en amont avec un plan très, très détaillé, ce qui veut dire que je fais à cette étape-là ce que les gens font parfois plus tard. Et au final, je pense que les écrivains investissent la même quantité de travail, mais ils ne travaillent pas forcément de la même manière. Certains vont travailler beaucoup dans un premier temps et faire peu de modifications par la suite, et d'autres font un premier jet qu'ils vont beaucoup retravailler. C'est tout. C'est un univers monde. Vous travaillez effectivement beaucoup en amont à la construction de l'univers. Finalement, il y a presque plus de travail de préparation que de travail d'écriture. L'écriture vient à la toute fin. Effectivement, c'est-à-dire que j'ai travaillé 5 ans sur la préparation de cet univers, préparation des personnages. Pendant 6 mois, j'ai fait un plan détaillé, chapitre par chapitre, pas simplement pour un tome, mais pour les 4. J'ai travaillé sur les 4 à la fois. Donc, je savais à quoi allait ressembler la série. Avant même d'avoir écrit la première phrase du premier livre, du premier tome, je savais à peu près comment fonctionnait l'histoire de bout en bout. On va parler donc un peu pour les auditeurs de ce premier tome, de ce premier roman, trop semblable à l'éclair, qui est un très très joli titre. Peut-être un mot sur le titre, pourquoi ce titre-là? Le titre est ce qui m'a donné l'idée pour toute la structuration de cette série. La première fois que j'ai entendu cette réplique dans Roméo et Juliette, j'ai eu l'idée qui m'est venue. Et c'est trop semblable à l'éclair, c'est quelque chose qui est dit par Roméo et Juliette, ça m'a donné l'idée de ce récit où on aurait quelque chose de très précieux. La présence de cette chose précieuse change complètement la situation, et à peu près au point médian, à peu près à la moitié du récit, tout à coup on allait perdre cette chose précieuse, l'éclair allait disparaître tout à coup, tout ce qui était présent avant disparaissait. Donc dans un deuxième temps de la série, tout s'articulerait autour de l'absence de cette chose précieuse. Et c'est cette idée-là, cette structuration-là qui m'a donné ensuite le point de départ et l'idée de la série. Cette chose, c'est Bridger ? C'est plusieurs choses, en fait, parce qu'on suit Bridger, certes, mais on suit d'autres sujets, le maintien de la paix, par exemple. Et il y a beaucoup de facteurs qui nous intéressent, qu'on suit. Donc, il va y avoir tout un basculement de toutes ces choses à ce point médian du récit. Des choses qui existaient disparaissent, et des choses qui étaient assez éloignées vont se matérialiser. Il faut lire, je crois, le livre pour comprendre ce qu'est cette perte qui se fait à ce moment-là. On va parler un peu de la nature, de l'intrigue de ce monde, et puis on reviendra ensuite sur vos processus de création, parce que pour les auditeurs, c'est plus intéressant de savoir de quoi il s'agit avant de savoir comment vous l'avez créé. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé Ada Palmer dans Ressemblable à l'éclair, c'est que d'habitude, dans des romans univers, on pense évidemment à Tolkien, à Asimov, on est loin, on est ailleurs, on est sur une autre planète, etc. Vous avez choisi de placer ce roman univers sur Terre, ici, dans le futur. Vous pouvez nous expliquer ce choix ? Oui, c'est une question très intéressante. On vit un moment important de l'histoire, exploration de l'espace, voyage dans l'espace, et qui s'avère d'ailleurs beaucoup plus compliqué qu'on avait pu l'imaginer. Vous voyez par exemple la SF qui a été écrite dans les années 60, 70. Tout le monde disait, en l'an 2000, nous vivrons sur la Lune, on aura des voitures volantes, des robots, etc. Les enfants iront sur Jupiter sans problème, en voyage de classe. Voilà, on la voyait comme ça à l'époque, l'exploration spatiale. Or, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué que cela. On ne connaissait pas le niveau des radiations dans l'espace. On ne savait pas non plus que les séjours de longue durée entraîneraient des dégénérescences musculaires. Il y a des défis médicaux, par exemple, qu'on n'avait pas prévus. Et il faut y répondre. Et puis aussi, il y a, si vous voulez, le soutien institutionnel qui est moins important que pendant la guerre froide aujourd'hui. Donc cette exploration de l'espace, elle a pris plus de temps que prévu. Et vous prenez la SF après l'an 2000, on voit qu'à ce moment-là, ce qui se fait, c'est ce deuil, en réalité, de l'exploration de l'espace qui ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Vous voyez les premiers Star Trek, ça se passait à 100 ans de l'époque actuelle. Or, aujourd'hui, on va avoir des voyages intergalactiques, mais qui sont beaucoup plus lointains aujourd'hui. Donc, vous voyez, les débuts de la science-fiction, tout se plaçait généralement à un siècle au maximum, et certainement pas un horizon beaucoup plus lointain, parce que c'était considéré comme peu réaliste. On se disait, soit il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a eu une apocalypse, et ensuite on repart sur un autre pied, ou nous serons dans l'espace. Il n'y avait pas cette espèce, si vous voulez, de moyen terme, dont on se dit qu'il est peut-être réaliste, à savoir que dans un avenir assez proche, 25e siècle, nous aurons des planètes assez proches qu'on pourra atteindre effectivement, mais pour autant, nous n'avons pas cette vie humaine massive dans les planètes et dans l'espace. Donc, les choses vont plus lentement que prévu. Et donc, moi, je me suis dit, tiens ça, voilà quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire ce qui va se passer dans 250 ans, c'est-à-dire déjà un petit peu d'exploration de l'espace à ce moment-là, mais pas tant que ça. Et pourtant, on est vraiment loin dans le futur. Hein. Le roman commence le 23 mars 2454 et on est vraiment face à une Terre où tout a changé. Tout a changé à toutes les échelles. Des nations au noyau familial, toute l'organisation sociale a changé. Ça, c'était un point de départ ou c'est quelque chose qui est venu après que vous ayez commencé à penser, à imaginer cet univers ? In part, everything has changed, but... Les choses ont changé, effectivement, mais il y a quand même des choses qui restent par rapport à d'autres univers de science-fiction, c'est que il y a beaucoup de choses qui existent encore. Prenez Star Trek, qui se passe 100 ans avant l'univers que moi je propose. Il y a un gouvernement mondial, il n'existe plus de pays, il n'y a pas de traces du monde politique antérieur. Or, moi, dans mon univers, certes, la famille est différente, certes, l'organisation est différente, mais il y a quand même un roi de l'Espagne, il reste une Union européenne. Il y a des choses qui continuent de se faire à l'image de ce qui existait dans la Rome antique. Hein. Et je suis historienne, donc moi, si vous voulez, je vois les choses sous l'angle de la continuité. Et souvent, je me rends compte que bien souvent, on ne repart pas depuis la case départ. Ce qui observé au plan historique bien plus souvent, c'est qu'on recycle, on réutilise des structures qui étaient déjà présentes. Et l'une des raison pour laquelle tout ce qui est fantasy et science-fiction commence par « il y eut un cataclysme et ensuite un nouvel ordre fut fondé ». Pourquoi ça commence comme ça ? C'est parce qu'en fait, l'Amérique a produit très largement la science-fiction. Or, c'est bien le mythe des origines des États-Unis, la table rase, et on redémarre à partir de zéro. Donc c'est très imprégné par cela. Alors que, si vous voulez, en réalité, les institutions du monde, elles font quoi? Souvent, elles incorporent les versions antérieures dans une nouvelle version, rénovée, on va dire. On va maintenir, par exemple, la monarchie, on va maintenir l'aristocratie, on garde les structures originelles. On a tendance à recycler, à réutiliser les choses plutôt que les refaire. Donc moi, en tant qu'historienne, quand j'ai réfléchi à cet univers que je voulais mettre en place, je me suis dit, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Alors, qu'est-ce qui change? L'unité familiale, parce qu'on l'a observé très récemment, elle change. L'unité familiale est très instable actuellement. Si vous voyez, par exemple, comment ça se passait il y a 100 ans, on avait une famille étendue, les grands-parents, les enfants, tout le monde vivait ensemble, avec éventuellement des cousins qui habitaient dans la même maison. Et puis il y avait du personnel, des domestiques qui vivaient avec cette unité familiale. Donc en gros, 15 personnes vivaient ensemble. Aujourd'hui, on a une unité familiale de 4 personnes en général. Et ça ne remonte qu'à quelques décennies. Et c'est un modèle qui ne marche pas très bien. On le voit. Comment est-ce qu'on fait garder ses enfants lorsque les deux parents travaillent et lorsqu'il n'y a pas cet adulte de plus dans la maison qui va s'occuper des enfants. On voit que les gens d'ores et déjà font des regroupements, par exemple, de logements pour vivre ensemble, pour dire que l'unité familiale est instable. Elle va changer. Le genre, ça aussi, c'est une identité complètement instable actuellement. Ça a beaucoup changé ce dernier siècle et ça va continuer. En revanche, le roi d'Espagne, il est là, il était là, ça ne change pas. Alors pourquoi est-ce que ça changerait dans les 100 ans à venir? À mon avis, il restera là, quelqu'un qui est un petit peu en retrait, mais qui garde une fonction secondaire quand même. Et puis vous prenez l'exemple du Sénat de la Rome antique. Il a été fondé avant Jésus-Christ, c'était un gouvernement de la ville au départ. Ensuite, petit à petit, il a pris la fonction de gouvernement impérial. Ensuite, ce Sénat impérial, puisque la situation devient instable, eh bien, il est maintenu, mais il va changer de fonction. Il devient une instance administrative à ce moment-là, au service des politiciens qui travaillent pour l'empereur. À la fin de ces régimes impériaux, il devient un outil de résistance. Et même à la chute de l'Empire romain, à ce moment-là, le Sénat romain va rester et il va devenir l'instance de contrôle des Visigoths à ce moment-là. Et lorsque les Visigoths vont tomber, le Sénat romain va être maintenu, même au moment de la papauté. Il va devenir encore une fois un instrument de résistance contre la papauté, ce même Sénat. Donc il va avoir différentes fonctions. On va le recycler dans son utilisation, mais il reste constant pendant 1500 ans. Donc je peux tout à fait envisager que ça se passe de la même manière pour l'Union européenne ou pour certaines institutions politiques qui vont changer de fonction, mais qui ne seront pas forcément remplacées, comme on le trouve par exemple dans le modèle de Star Trek. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Ce qui est passionnant dans votre travail, Anna Palmer, c'est que, on l'entend, vous êtes effectivement, on y reviendra certainement, professeur d'histoire, vous avez une sorte d'approche historiographique de la science-fiction. Vous le dites, hein, vous dites écrire de la science-fiction, finalement, c'est faire un travail d'historien, mais dans le futur, c'est ce que vous venez de décrire. Effectivement, souvent mon éditeur dit que c'est une fiction historique future, parce qu'effectivement l'axe historique est très important. Et puis il y a cette voix historique qui est là aussi. Vous savez, aujourd'hui, on écrit à la Jane Austen. Eh bien, on peut imaginer qu'à l'avenir, on écrira selon un autre genre ou style littéraire. Et moi, j'ai retenu par exemple le style de la littérature française du 18e siècle. On peut tout à fait imaginer que ça se passera comme ça dans 200 ans, qu'on recycle ce genre ou ce style littéraire à ce moment-là. Et je dirais que probablement l'histoire, c'est la meilleure façon de se préparer à l'écriture de la science-fiction, parce que ça donne l'occasion de réfléchir au changement, au fil du temps, à l'évolution des institutions, et rien ne ressemble autant à l'avenir que le passé, en réalité. Il suffit de voir comment se déroulent les événements. Alors, souvent, on me dit, mais comment est-ce que vous êtes passé de la vie d'historienne à la science-fiction? C'est un petit peu à l'envers qu'il faut prendre les choses. J'ai toujours aimé la science-fiction depuis que j'étais petite, et ça m'attirait, tous ces mondes qui n'existaient pas, ces mondes inventés de la science-fiction. Et de la même manière, je suis intéressée par ces autres univers, univers historiques qui, eux, ont existé. C'est probablement pour ça que j'ai aimé l'histoire autant que j'avais aimé les univers fictifs. On va peut-être dire un mot, on a parlé du cadre et puis évidemment on y reviendra, on va l'explorer, notamment tout le spectre politique que vous déplacez, que vous décrivez, parce que c'est un roman qui a une vraie portée, un vrai enjeu politique à plein d'égards. Mais peut-être parler un mot de l'intrigue et de la structure narrative du roman. On suit un narrateur qui s'appelle Mycroft Canner. Un mot, on ne l'appelle pas son personnage Mycroft par hasard. Oui, comme le dit Mycroft lui-même dans le livre, dans cet avenir, beaucoup de gens s'appellent Mycroft, c'est un nom très commun, parce qu'un personnage très important du 23e siècle s'appelait Mycroft. Mais il ne doit pas son nom à ce personnage célèbre, il le doit au frère de Sherlock Holmes, dont il dit qu'il a été choisi précisément parce que Mycroft Holmes, tel qu'il est décrit par l'auteur, c'était quelqu'un qui avait un esprit très bien fait, qui aurait pu faire tout un tas de choses comme son frère, Sherlock, mais qui a décidé de ne pas le faire, d'être quelqu'un qui réagit. Il n'est pas proactif dans l'action, il ne va agir que lorsque, par exemple, le gouvernement va lui dire d'intervenir. Donc c'est quelqu'un qui, si vous voulez, obéit aux besoins d'autrui. Donc Mycroft, on le rencontre au début, on voit que c'est quelqu'un qui a été condamné. Il est un servant. C'est-à-dire que plutôt que d'être mis en prison, la société estime qu'il n'est pas dangereux et qu'il doit simplement purger une sorte de peine. Donc il est condamné à vie à être au service de la communauté. Il ne touche pas d'argent, il n'a pas de biens, il n'est pas propriétaire. Il dort dans des dortoirs et il parcourt le monde au service des besoins d'autrui. Et donc, si vous êtes citoyen, vous allez demander qu'un serviteur vienne réparer votre réfrigérateur si vous avez besoin. S'il y a un problème, il va venir, il va être appelé à la rescousse, y compris pour faire des tâches pour la municipalité s'il y a des problèmes. Donc c'est ce qu'il fait. Encore que, bien sûr, quand on a des compétences particulières informatiques, on va vous appeler pour ça. Or, lui, il a des compétences pour Mycroft, des choses un peu particulières, et on l'utilise pour ça. On va comprendre petit à petit qu'il est en lien étroit avec beaucoup de gens très puissants, et on va voir ces univers de pouvoir qui se développent, et petit à petit, on va comprendre qui il est, qui il a été, et pourquoi il connaît tellement ces gens puissants qui lui font confiance, mais qui sont en colère contre lui à la fois. Et Mycroft donc arrive, c'est d'ailleurs la scène d'ouverture du roman, dans un bash, donc ces bashs, ce sont ces familles étendues, vous pourrez nous en dire un mot, et on tombe tout de suite sur un autre personnage important, c'est le personnage de Bridger, c'est la scène, on entend une scène de combat. Peut-être vous nous dites juste un mot pour donner au lecteur l'impression générale de comment on rentre dans ce roman et ce que vous allez nous raconter. Oui, des gens sont surpris parfois que dans cette construction très précise de science-fiction, qu'on ait cet élément surnaturel au milieu de choses tellement pragmatiques et vérifiables. Ce jeune enfant qui a des pouvoirs particuliers, c'est tout à fait différent d'autres ouvrages de science-fiction, effectivement. Mais en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est avec ce livre, poser les questions qu'on se posait au XVIIIe siècle, lorsqu'on était scientifique. Et il faut savoir qu'avant la deuxième partie du XIXe siècle, il y a peu de science-fiction, mais n'oublions pas le Micromégas de Voltaire, ce premier contact en réalité de toute l'histoire avec des étrangers d'une autre planète Sirius, qui viennent sur Terre et donc on les rencontre ces personnages et Micromégas ne les comprend pas et commence à échanger à ce moment-là et leur premier sujet d'échange c'est est-ce que Descartes a raison quant à la nature de l'esprit, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu. Enfin, on se dit, enfin, c'est quand même un drôle de sujet à aborder avec des gens qui viennent d'une autre planète. Hein. On ne s'attendrait pas forcément à ça comme premier échange. Mais après tout, quand on voit des étrangers, on aborde les questions universelles. Et vous voyez, en fait, la première science-fiction de la fin du 19e siècle, on parle de la montée du pouvoir, de l'héroïsme. Ensuite, on va aborder les sujets qui sont liés à la guerre froide. Ensuite, la lutte entre la technologie par rapport à la biologie. Est-ce que petit à petit, on va devenir moins naturel? On passe à cette réalité augmentée, humanité augmentée. Pourquoi est-ce qu'on en parle à ce moment-là dans la science-fiction? Parce que ce sont les grands sujets de la décennie. Donc, moi, je me suis dit, voilà, ça m'a intéressé. Quelle est la question de la décennie et comment est-ce que ma science-fiction peut parler de cet univers du 18e? Est-ce que la Providence existe? Je voulais poser les questions qui sont posées par Microbédas, Mégas, par Zadig, par Candide, en le faisant avec des outils, si vous voulez, très modernes de la science-fiction actuelle, avec les voitures volantes, les ascenseurs de l'espace, etc. Enfin, toute la technologie actuelle qui n'appartenait pas, si vous voulez, à l'univers de la science-fiction des débuts. Est-ce qu'il y a encore la Providence comme possibilité, alors même qu'on a des voitures volantes? C'est cette question que je voulais poser parce qu'elle me semble intéressante. Vous venez de le dire, on va en parler. Évidemment, votre roman est traversé par par la Renaissance, par les Lumières. L'épigraphe du roman, c'est Diderot, Jacques le Fataliste. Jacques, mon ami, vous êtes un philosophe, j'en suis fâché pour vous. Comme dans Jacques le Fataliste, Mycroft s'adresse au lecteur directement. Vous êtes historienne. Quel est ce goût? Pourquoi être allé puiser comme ça dans cette littérature française et dans ses préoccupations philosophiques de la littérature française de cette époque? J'ai étudié l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée au début de mes études. Et la première fois que j'ai lu Jacques le Fataliste, je suis tombée amoureuse de cette structure et de la manière dont il parle directement au lecteur. Cette conversation qu'il y a entre vous et Diderot, et vous avez le sentiment que vous le rencontrez, c'est comme si vous étiez attablé avec un ami. C'est différent des autres livres. C'est une espèce, si vous voulez, de rencontre véritable avec Diderot, comme s'il était en vous et vous en lui. Une forme d'intimité quand il s'adresse à vous. C'est quelque chose de très franc, très chaleureux, est très vulnérable aussi. Il parle de ses incertitudes. Il vous parle, si vous voulez, de ses doutes en tant que philosophe, en disant, voilà mes spéculations, voilà ce à quoi je réfléchis. Donc, on a le sentiment qu'il s'ouvre à vous. Et je voulais retrouver cette sensation d'intimité avec le narrateur. Ce narrateur qui va s'ouvrir à vous, qui fait part de ses doutes et qui s'adresse à vous directement pour qu'on retrouve cette intimité qui nous permet ensuite de vraiment comprendre ce qu'il nous partage. Et puis dans le cas de Mycroft, on apprendra davantage de sa vie et de ses crimes notamment. Et à ce moment-là, bien sûr, on se dira, ben voilà ce qu'il a fait. Vous savez, comme dans la vraie vie, vous avez un ami, vous apprenez qu'il a fait quelque chose d'abominable. C'est assez particulier comme expérience parce qu'on déteste ce qui a été fait. Mais l'amitié reste là quand même, elle a été là, elle reste là. Parce que l'amitié, c'est quelque chose de difficile à tuer, même si votre ami a fait quelque chose d'abominable. Donc, je voulais explorer ça. Comment est-ce qu'on fait face lorsqu'on se retrouve avec un ami qu'on aime énormément, et puis il y a au milieu de tout cela une atrocité, quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence, qu'on n'oubliera pas, qui est impardonnable et qui ne doit pas être pardonné. Mais pour autant, l'atrocité et l'amitié, elles doivent vivre ensemble, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est quelque chose de pas si inhabituel que cela. Vous savez, souvent les personnages ont une facette un peu sombre. Vous avez ce super battant qui, petit, a fait des choses abominables quand il était jeune. Et puis ensuite, il y a eu repentance. Et maintenant, c'est quelqu'un de bien. Il veut oublier le passé. On dit que c'est un gars bien. Mais non, c'est pas un gars bien. Quand il y a des choses abominables qui ont été faites, ça reste abominable. Et moi, je voulais rendre compte de cette expérience-là. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le passé est tellement abominable qu'on ne peut jamais l'oublier, que pour autant, il faut aller de l'avant, on reste un être humain, on a des relations, on garde ses amis. Et je voulais utiliser la voix de Diderot. Ça m'a semblé très intéressant pour créer cette intimité, cette tendresse, quitte à la juxtaposer après en disant, ben voilà, très bien, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a tendresse, mais qu'il y a quelque chose d'abominable aussi, pour contrebalancer cette tendresse. Ce que je voulais, c'était explorer quelque chose de vrai de la relation humaine. Vous avez voulu rendre le lecteur ami avec un monstre. Yes, in effect. Effectivement. Which makes us question the category monster. Si vous voulez qu'il nous renvoie à la réflexion sur le monstre, est-ce que là où il y a monstre, il n'y a pas d'amitié possible? Vous voyez la société réelle, il y a des choses terribles qui sont faites. Certaines qu'on va accepter, d'autres non. C'est un espace très intéressant au plan de l'éthique, réfléchir à cela. Lorsque quelque chose d'impardonnable a été fait et que pourtant il faut continuer à vivre en tant qu'humain, on fait quoi? Ça ressemble à quoi? Et puis il y a cette version, si vous voulez, microcosmique de cela dans la première partie. Par la suite, on va apprendre des choses assez abominables, de plus en plus atroces. Je ne vais pas spoiler le lecteur, mais petit à petit, si vous voulez, ça va devenir un modèle qui nous amène à réfléchir à cette idée de quand il y a quelque chose d'atroce qui a été fait, comment est-ce qu'on fait face à cela? On réfléchit à ce moment-là à la manière dont ça a été bien géré ou mal géré, et on repense à cet épisode de début, on se dit maintenant qu'on est à plus grande échelle, on fait comment? Ce qui fait de Trop semblable à l'éclair et de Terra Ignota une sorte de roman de science-fiction historique 17e. Oui, un hybride entre l'avenir et le passé. Mais de toute façon, on ne peut faire que cela. En tout cas, le présent et le futur, on les mélange tout le temps. On écrit constamment des récits où on a, si vous voulez, une présentation de l'avenir qui est en fait une allégorie de ce qui se passe dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Même chose d'ailleurs pour le passé. Souvent, on va écrire un récit qui se passe dans la Rome antique, mais qu'on va utiliser pour illustrer le problème de l'inégalité des classes à l'heure actuelle. Donc très souvent, on juxtapose le présent, le passé et l'avenir avec cette volonté de, si vous voulez, faire ces juxtapositions. Vous savez, lorsqu'on lit la science-fiction, la plupart du temps, on voit que les gens parlent du XXe siècle. Prenez les personnages de Star Trek, ils connaissent par cœur les noms des généraux de la Deuxième Guerre mondiale, ils connaissent notre histoire. Mais pourquoi est-ce qu'ils le savent? Pourquoi est-ce que quelqu'un au XXIe siècle devrait s'intéresser à notre histoire plus qu'à d'autres périodes de l'histoire? Donc moi, j'ai voulu faire l'opposé. Mes personnages n'évoquent jamais le XXe siècle. Ils parlent du XVIIIe, du XVIe, du XXIIe, du XXIIIe siècle, mais le XXe siècle, ils s'en fichent. C'est sans importance pour eux. Et c'est assez réaliste, parce que en fait, dans notre histoire, il y a des moments, effectivement, où on s'intéresse à certaines périodes du passé, on va s'y intéresser. Vous prenez la Renaissance italienne, par exemple. Ce qui les intéressait, c'était la période antique, la Rome, la Grèce antique. Ils ont beaucoup mis l'accent sur ça, alors qu'ils ont oublié, par exemple, le Moyen-Âge, Charlemagne, alors que il avait été intéressant pour d'autres quelques siècles auparavant. Vous voyez, certaines périodes de l'histoire peuvent nous intéresser et d'autres, on va les délaisser. Chaque époque de l'histoire a son dada, son époque préférée à laquelle on se réfère. Aujourd'hui, par exemple, encore actuellement, on renvoie souvent au 19e siècle. Et je me suis dit, oui, c'est pas du tout réaliste, cette histoire de Star Trek. peut-être qu'effectivement il y avait des gens qui s'intéressaient au XXe siècle, pourquoi pas, comme d'autres peuvent s'intéresser à la Rome antique, par exemple. C'était peut-être l'histoire qui les intéressait à ce moment-là, leur origine. Mais moi, je me suis dit, ok, très bien, mais moi, je veux envisager un autre monde où, par exemple, la période historique de référence, ça va être le XVIIIe siècle ou la Rome antique. Mais je voulais vraiment aussi dire, si vous voulez, nous, lecteurs, nous ne savons pas. Nous ne savons pas en lisant ce qu'ils pensent de nous dans deux siècles. Est-ce qu'ils pensent qu'on a été des héros? Est-ce qu'ils pensent qu'on a fait les choses bien ou qu'on a fait des erreurs? C'est un petit peu gênant pour nous. Ça met dans une posture un petit peu inconfortable, le lecteur. Et puis, autre chose, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai passé sous silence l'Amérique. Parce que souvent, dans ce qu'on lit, on parle que de l'Amérique. Or, là, moi, dans mon livre, on va vous parler de l'Inde, de la Chine, de l'Union européenne, de l'Afrique du Nord. D'ailleurs, les capitales, en l'occurrence, sont notamment à Alexandrie et à Casablanca. On entend parler de l'avenir de l'Union européenne, etc. On parle de la culture grecque et rien ou presque sur l'Amérique. Et moi, ça, j'adore. Parce que les gens, les Américains qui lisent le livre, se disent, bah alors, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'Amérique? J'ai besoin de savoir. On sait toujours ce qui se passe pour l'Amérique. Parce qu'en général, dans la science-fiction, s'il y a quelque chose dont on parle, c'est de l'Amérique. La Russie, la Chine, éventuellement. Le reste, l'Union européenne, on ne vous en parle jamais. On ne vous parle pas de la France. On n'en parle pas. Donc moi, j'ai voulu prendre le contre-pied de cela et dire, eh bien, les Américains, à vous de vivre ce que les autres vivent d'habitude. C'est-à-dire que vous entendez parler de l'avenir des autres, de l'Union européenne, la Chine, etc. Mais l'avenir de l'Amérique, rien. On ne vous en dit rien. Et ça permet, si vous voulez, de créer cet autre univers. Tout ce qui d'habitude est surreprésenté dans l'histoire de la science-fiction, à savoir les États-Unis et le XXe siècle, sont passés sous silence. C'est intéressant parce que ce travail sur la littérature, la Renaissance et les Lumières, il s'inscrit aussi dans la langue, hein, puisque votre narrateur le dit au début, il dit « je vais écrire dans un style qui est un style 17e, 18e-iste ». Alors, c'est difficile, parce que moi je l'ai lu en traduction, je l'ai lu en français, mais comment est-ce que vous avez travaillé justement sur la traduction française? Comment est-ce que vous avez travaillé cette langue un peu... Parfois, il y a des citations d'anciens français, hein, directement, avec les scriptures de l'ancien français. Comment est-ce que vous avez travaillé la langue de ce roman Ada Palmer? So I cross-compared a lot of different English translations. J'ai comparé de nombreuses traductions anglaises de la littérature française classique et je me suis rendu compte que pour ce qui était du 18e et du 19e siècle, eh bien, les traductions qui avaient été faites à ce moment-là, donc des ouvrages du 18e, ainsi d'ailleurs que les traductions modernes, me montraient quoi? C'est qu'en fait, les styles étaient disparates et je me suis dit, ce qui est le mieux, si vous voulez, pour imiter ce que serait une traduction actuelle de la littérature française du 18e siècle, c'est maintenir la longueur des phrases et la structure poétique également que j'ai essayé de maintenir et qui renvoie au style de la littérature du 20e siècle, mais en revanche, le vocabulaire est moderne. Donc je n'emploie pas de vocabulaire de la langue anglaise très châtiée du 18e siècle, j'emploie la langue contemporaine. En revanche, c'est plus dans la structuration des phrases que je fais passer ce style du 18e. En plus, effectivement, tout à coup, je vais faire une incise d'une page et demie sur Jean-Jacques Rousseau avant de revenir au récit. Ensuite, la présentation, si vous voulez, du personnage n'est pas descriptive, c'est plutôt présentation de son tempérament, qui il est, quelles sont ses valeurs. Et ça renvoie totalement à ce qui se faisait, par exemple, dans la littérature du XVIIIe siècle et qui ne se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut une description télégraphique ou très objective, en tout cas. On veut décrire ce que fait le personnage. En revanche, donner sa perception du tempérament de la personne, de son comportement, de sa manière d'être, la description également de votre relation au personnage, ça, c'est très 18e. Comment votre relation va évoluer au fil des 4 tomes avec ce personnage. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer précisément parce que vous l'avez présenté d'emblée. C'est-à-dire que vous avez une première présentation du personnage en disant il est comme ci, il est comme ça. Et c'est presque bizarre pour vous, lecteur du 20e siècle. Vous dites non, c'est trop. Je fais attention. Moi, je prends ça avec recul, avec des pincettes. Je me ferai mon idée. Je me dirais, bah non, il me dit que c'est un type abominable, mais finalement, moi, j'ai des réserves, je verrai, je me ferai ma propre opinion. Alors que lorsque vous avez une introduction qui a l'air d'être objectif, vous n'allez pas vous poser de questions. Voilà autant d'outils, de choses que j'ai utilisées, si vous voulez, pour rendre le style du XVIIIe siècle, où on donne son avis sur la nature des choses et qui vous donne donc un accès très différent à un récit. Donc, lorsque on vous présente le personnage, on vous présente surtout le regard qui est porté par le narrateur sur ce personnage. Cet univers-là, Ada Palmer, c'est donc un travail de longue haleine. Vous avez passé énormément de temps, 5 ans, à construire le monde avant de commencer à écrire la première ligne du premier roman. Quelles sont les graines? Quels sont les points de départ? Il y a cette phrase de Roméo et Juliette, trop semblable à l'éclair, mais comment cet univers s'est construit dans votre esprit, en fait? Par quels éléments? Quelles étaient les premières briques? Bien souvent, je travaille de la manière suivante. Je réfléchis à une question, à une notion. Par exemple, quelle va être la psychologie de quelqu'un qui a un corps qui a été produit en masse, ou s'il y a, par exemple, une voiture qui vole, quel effet ça fait, le fait qu'on puisse traverser la planète d'un point à l'autre en quelques heures, qu'on n'est plus amené à vivre dans un point précis. Et donc je réfléchis à cette notion, je tourne autour et je réfléchis ensuite. Je me dis, est-ce que cette personne qui serait par exemple une espèce de mannequin professionnel, est-ce que ça pourrait s'inscrire dans l'univers que j'imagine? Je me dis, est-ce que ça peut fonctionner? Non, ça fonctionne pas à ce stade. Donc je le garde pour un univers prochain que je développerai dans une autre série. Donc c'est vraiment petit à petit que les choses se mettent en place. Comme dans un puzzle, je me dis, est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne, je me dis, bon, bah alors, si je mets telle chose, quelle incidence ça va avoir sur l'univers, sur les autres personnages? Par exemple, je me dis, si j'ai ce personnage qui est une espèce de mannequin vivant, on va lui appliquer ce vocabulaire neutre qui est utilisé de plus en plus. Donc je me dis, bon, alors ça marche, là j'ai tel univers, ça peut fonctionner. Si ça marche pas, je garde et je recycle plus tard dans un autre univers. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Mais le tout premier point de départ, quand vous construisez, quelle est la première idée autour desquelles vont venir s'articuler toutes les autres idées? Alors, 4 idées, je dirais, qui ont vraiment constitué le cadre. Un, il y a eu l'idée de la structure. Ensuite, si on avait le pouvoir de prendre un jouet, de l'animer, de le rendre vivant. Je regarde toutes les figurines qu'il y a dans mon appartement et je réfléchis à ce moment-là. Je me dis, si les objets s'animaient, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait la catastrophe pour l'humanité? Si ce méchant-là qui est en figurine s'animait tout à coup, il se passerait quoi? Donc je commence à creuser ça, cette idée. Je me dis, et si je partais de cette hypothèse de base, qu'est-ce que ça donnerait comme univers? Ça, c'est donc la deuxième axe. Troisième idée, ce système de déplacement, de mobilité. Si on pouvait se déplacer facilement, quelle est l'incidence sur la citoyenneté? Moi, j'ai passé 1 an à Florence, en Italie. Je faisais des recherches universitaires pour un premier ouvrage que j'écrivais. Donc, tous les jours, je déjeunais à une table avec des doctorants, des universitaires venus du monde entier. Et souvent, c'était des couples qui avaient des enfants et qui venaient de pays différents. J'entendais souvent la mère était australienne, le père italien, l'enfant était né en Angleterre pendant une bourse de doctorat, après il avait grandi en France. Et les parents, je les entendais, disaient, mais alors, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils aient comme citoyenneté, ces enfants? Voilà, ça, c'est l'intérêt de la nationalité australienne, ça, c'est l'intérêt de la nationalité française, etc. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui est le mieux? Je me disais, et si tout le monde pouvait avoir cette conversation-là, si la nationalité pouvait devenir un choix et non pas un accident? Et à bien des égards, l'Union européenne est un grand pourvoyeur de cela. Dans l'Union européenne, c'est très fréquent d'avoir des couples qui ont différentes nationalités avec un enfant d'une troisième nationalité, parce qu'ils ont voyagé à tel ou tel endroit, parce qu'on voyage facilement. Je me suis dit que c'est quelque chose qui allait se répandre. Et je me suis dit, alors si ça se développe, ce genre de choses, ça va donner quoi? Donc ça a été le troisième axe, je pense, de ce récit, avec donc ces voitures volantes que j'ai présentées. Il faut nous raconter un peu à ce moment-là. Parce que ce que vous venez de décrire aussi, pour préciser pour les auditeurs, c'est le concept de ruche, qui sont des espèces de super nations. Alors c'est plus vraiment des nations, mais des espèces de conglomérats qu'on peut rejoindre en fait à l'âge adulte et choisir dans à quelle ruche on va appartenir. Mais il faut nous dire un mot à propos de Mason. Je ne veux pas en dire trop parce que la manière dont on le rencontre est tellement étrange. Je ne veux pas dévoiler, mais enfin, c'est quelqu'un de très étrange. On le rencontre alors qu'il est un jeune homme qui a la confiance de tous les gouvernants les plus importants. Il est le fils adopté de l'empereur maçonnique, qui est probablement le dirigeant politique le plus puissant sur Terre. Mais quand on le rencontre, c'est vraiment quelqu'un de très étrange. Qui vous déconcerte un petit peu, assez bizarre. Bizarre, qu'il est difficile d'ailleurs de décrire, et il faudra lire les chapitres. Et au fil du temps, on se rend compte qu'il a une psychologie très particulière, qui repousse un petit peu les limites de ce que l'on peut concevoir d'une manière assez étrange, même si ça n'est pas forcément visible d'emblée. C'est une sorte, si vous voulez, un petit peu de rencontre du troisième type. Cette première rencontre, on a cette personne très étrange et on a l'impression qu'en la rencontrant, on rencontre quelqu'un qui est venu de l'espace, hein, un alien. C'est un petit peu comme le contact avec un alien qui descend de son vaisseau spatial. C'est un espèce de récit de premier contact que l'on va avoir et on se dit voilà ce qu'on peut attendre du monde, le genre de psychologie qui peuvent exister dans le monde et comment est-ce qu'ensuite on va insérer cette personne dans nos structures politiques notamment, sachant que cette personne est très puissante mais elle est quand même très très bizarre. Donc ça nous en renvoie à si vous voulez une structure psychologique très différente de ce que l'on peut connaître. Il y a cet homme qui renvoie tout le monde à des choses bizarres. Il a une interaction avec autrui tout à fait inhabituelle et c'est quelque chose en plus qui est voulu sciemment. C'est mieux effectivement de découvrir ça par soi-même parce que c'est vrai que c'est un des points forts du roman. J'aimerais comprendre un peu aussi, Anna Palmer, comment est-ce que vous en êtes venue à ces constructions de monde? Quel est votre rapport finalement à la production de fiction, à l'écriture d'histoire, au développement des mondes? Vous avez commencé très jeune à écrire. Quels sont les premiers univers que vous avez construits? Oui, j'ai commencé à écrire très jeune, effectivement. D'ailleurs, j'ai toujours un exemplaire de mon tout premier récit. J'étais petite, j'ai dû me mettre sur la pointe des pieds pour regarder à l'époque mon père qui était en train de l'imprimer sur mon imprimante à aiguille qui était le dernier cri à l'époque. C'est une histoire totalement de ratons laveurs sur une planète qui sont magiques et donc voilà, bon, cette histoire magique à l'époque, vous imaginez bien sûr j'avais donc cette histoire, d'autres où il y avait par exemple Robin des Bois. Il faut imaginer bien sûr que c'était conçu dans l'esprit d'un enfant. Après, j'ai eu différents projets avant celui dont nous parlons aujourd'hui. Sachez que Trop semblable à l'éclair est mon cinquième projet. J'ai travaillé sur d'autres choses en amont. Vous savez, par exemple, tout ce qu'est voyage dans l'espace, déplacement autour de la Terre avec ces voitures volantes, c'est des choses que j'avais déjà développées. J'ai aussi fait une fantasy avec un univers de dragons. Après, j'ai fait quelque chose qui renvoyait à Gilgamesh avec tout un côté conspiration, mais situé dans le monde contemporain. Encore une autre fantasy ensuite qui renvoyait à tout un univers technologique où on tue les souvenirs et toute une structure militaire se développe en utilisant justement des prisonniers qu'ils ont récupérés, dont ils vont prendre les souvenirs pour lutter contre l'ennemi. Puis j'ai aussi travaillé sur un autre projet que j'ai pas achevé d'ailleurs, une romance, une histoire de prince et de princesse. Donc c'est à la fois des univers métaphysiques, mais où la magie, le surnaturel sont présents. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une voie très atypique dans la science-fiction. Vous l'avez dit, hein, la science-fiction aujourd'hui, une grande partie est dystopique, c'est du post-apocalyptique. La science-fiction, compte tenu de l'état du monde, reflète le monde d'aujourd'hui. C'est de la science-fiction souvent très noire et on se demande comment on peut refaire de la science-fiction positive. Est-ce que vous diriez que c'est de la science-fiction positive, Terra Ignota ? Oui, actuellement, on parle beaucoup justement du Hope Punk. C'est un nouveau genre littéraire. Je ne sais pas si c'est considéré comme une vraie catégorie littéraire, mais ce Hope Punk, on en parle ces dernières années. Donc, c'est une association en fait de récits positif avec une dimension et un engagement politique, une forme de militantisme. Donc on parle d'un avenir positif dans lequel on implique un engagement politique actuelle et qui invite à l'action avec une certaine résistance ou en tout cas un activisme politique. Donc on montre un avenir positif pour essayer de galvaniser les gens pour qu'ils œuvrent en faveur. Je parlais avec Joe Walton hier encore des univers dystopiques et utopiques et c'est intéressant parce que beaucoup de lecteurs de Terra Ignota se posent la question de savoir si c'est une dystopie ou une utopie. Ça relève un petit peu des deux. Il y a une grande liberté politique, on fait ses choix, on vit 150 ans, il y a des voitures volantes, et il n'y a pas de tout ça, mais en même temps, il y a une censure très forte, donc ça renvoie aussi à de la dystopie, ça. Donc c'est une espèce d'hybride d'utopie, de dystopie, donc un univers réaliste, en fait. Il y a des choses très bien, d'autres qui sont terribles. Si Voltaire ou Diderot voyaient notre avenir, il verrait ce que nous, on voit dans Terra Ignota, c'est-à-dire un mélange de choses géniales. Il n'y a plus de variole. On a fait des progrès considérables, puis des choses où il ne comprendrait pas. Il ne comprendrait pas, par exemple, que la France ne soit plus un empire, que l'aristocratie ait été renversée. Ils ne comprendraient pas probablement un certain nombre de choses. Lorsqu'on voit, nous, l'avenir de Terra Ignota, on est dans la position où ils se trouveraient. Mais enfin, cette littérature, dystopie, utopie, sont en fait toutes les deux optimistes à la fin et activistes. Voyez Hunger Games, la dystopie qui est très à la mode récemment. Le message, en fait, c'est dire quoi ? Voilà, on a un univers qui a des problèmes très graves et on arrive à résoudre les problèmes et on fait une révolution. Donc, en fait, c'est une façon de dire, bah nous, si notre univers est moins dramatique que celui qu'on présente, après tout, nous aussi, on peut y arriver. Là où ils ont réussi, on va y arriver. Donc, c'est assez, je dirais, positif, alors que dans un premier temps, la SF n'était pas comme ça, Orwell. Alors que la dystopie dit, bah, voilà, c'est un univers dramatique, mais à la fin, on arrive à reprendre le dessus. Donc c'est optimiste. Et La littérature utopique, hope punk, comme on l'appelle maintenant, montre un avenir positif en disant voilà ce qu'on pourrait construire et voilà comment on peut procéder. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Donc l'une comme l'autre galvanise, l'une comme l'autre est positive. Pour autant, la science-fiction, à mon avis, qui est pessimiste, c'est plutôt celle où on se dit, voilà, c'est 100 ans plus tard, on a la technologie et rien ne va mieux. On a trouvé la technologie, par exemple, de l'immortalité, mais elle est réservée aux riches et les pauvres continuent de mourir. Là, c'est pessimiste en disant, même si on a des moyens, de toute façon, ça sera toujours les mêmes qui en profitent. Donc, c'est assez intéressant de travailler par rapport à cela. Donc, des gens disent oui, toute cette science-fiction dystopique veut dire que on vit des temps très sombres. Mais non, moi je dirais que c'est plutôt optimiste. On pourrait se dire, bah regardez, on pourrait avoir un univers pire que le nôtre et on s'en sort quand même. Donc, je pense que et l'utopie et la dystopie home punk sont un peu la même chose, à savoir engagement politique, cette SF qui est impliquée, qui est engagée, à la différence de la SF qui va vous dire, de toute façon, les humains sont tellement corrompus qu'il n'y a rien à faire. Et en plus, c'est faux, l'histoire l'a montré. Si c'était vrai, que la technologie de l'immortalité, elle serait réservée aux riches, eh ben, on ne serait pas en train de vacciner les enfants dans les pays pauvres. On a quand même développé des équivalents de l'immortalité en développant des vaccins. C'est pas distribué parfaitement, certes. Il y a des inégalités dans la prise en charge sanitaire, certes, mais on y travaille quand même. Il y a beaucoup de gens qui favorisent cette distribution plus égalitaire, même s'il n'est pas parfaite. Même chose pour les techniques d'immortalité, je pense. De manière réaliste, si on se penche sur l'histoire et la manière dont les choses se sont passées, on voit que quand même, ce n'est pas si pessimiste que cela. C'est intéressant parce que on l'a un peu abordé en filigrane, mais il faut le dire, Tarek Notet aussi, vous l'avez dit, un roman politique, à plein d'égards, dans votre conception de l'évolution du monde, on l'a entendu, aussi autour de la question du genre, qui est très importante, qui est centrale, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, vous diriez que c'est aussi de la science-fiction militante? Je pense que j'ai déjà un petit peu fait le tour de la question, à vrai dire, mais oui, c'est engagé, c'est militant, c'est le cas très souvent de la science-fiction, on le disait il y a quelques instants. Je pense que c'est probablement d'ailleurs un des meilleurs outils ou genres littéraires pour galvaniser, pousser à l'action, parce que ça pousse les gens à voir comment le monde pourrait être, ou dit voilà comment ça pourrait se passer, et comme ça on se pose des questions sur son monde. Ursula Le Guin a parlé sur ce sujet lorsqu'elle a reçu le National Book Award aux États-Unis il y a quelques années. Je vous renvoie à ce discours, vous le trouverez sur le web. Et bref, elle parlait de la fiction et disait, si vous voulez, c'est un genre qui est là pour décrire ce qui existe, alors que la science-fiction, la fantasy, elles élargissent cet univers, elles rendent compte de ce qui existe, mais de ce qui pourrait exister. C'est comme ça que ça pousse notre univers à nous à aller de l'avant, à prendre position. C'est donc une littérature de résistance de ce point de vue qui, j'espère, va nous permettre de dire eh bien non, les choses ne doivent pas forcément se passer comme ça. Elles pourraient se passer comme ça. C'est une possibilité, mais on peut faire quelque chose. La fantasy, elle fait ça aussi. Elle dit voilà, le monde pourrait être comme ça. Donc, nous pouvons encore faire aller les choses dans une autre direction. C'est intéressant parce que cette question du genre, c'est une question qui a été très absente pendant très longtemps de la science-fiction. On ne parlait pas de genre, la science-fiction était masculine, avec des problématiques masculines. C'est complètement en train de changer aujourd'hui. C'est un thème dont la science-fiction peut s'emparer, dont vous êtes un peu le héros, vous aussi, aujourd'hui. Les femmes écrivent la science-fiction depuis des décennies. Elles ont participé à cette conversation. Je dirais plutôt que, généralement, on les oublie quand on fait le récit de l'histoire de la science-fiction. Il n'y a pas eu que des hommes qui ont écrit. Il y a toujours eu des femmes qui ont fait de la science-fiction, mais simplement, on ne les a pas retenues dans l'histoire de la science-fiction. voyez par exemple ce qu'il y avait dans les magazines, après vous voyez ce qui aura été pris dans les anthologies de la littérature. On a des femmes qui ont été publiées mais qui n'ont pas été gardées dans les anthologies. Donc c'est vraiment chouette maintenant d'écrire alors qu'il y a beaucoup de femmes justement maintenant qui écrivent de la science-fiction et qu'il y a toute cette problématique du genre, de la représentation des genres. Mais en tout cas, ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est pas vrai. Quand on vous dit qu'il n'y avait pas de femmes, ça n'est pas vrai. Elles ont écrit de la science-fiction depuis longtemps. Simplement, on les a mises ensuite sur le côté, sur le carreau, pour que les gens puissent se dire, voilà, ce sont les femmes, les hommes qui écrivent la science-fiction. Le quatrième tome donc, de Terra Ignota, ce sera pour l'année prochaine. Il y a d'autres univers, il y a d'autres mondes qui sont déjà en construction. Quand on a donné une somme aussi conséquente, hein, parce que sur des livres épais, longs, passionnants, comment est-ce qu'on régénère son imaginaire? Comment est-ce qu'on va retrouver de nouvelles idées, semer de nouvelles graines? Comme je vous le disais, en fait, je construis différentes choses. Si ça ne fonctionne pas dans l'univers 1, je vais pouvoir l'utiliser dans l'univers B. Par exemple, j'adore l'univers de Terra Ignota. Ça a été merveilleux pour moi de travailler dans cet univers depuis un certain nombre d'années. Mais je n'en oublie pas pour autant les autres univers que je développe, sur lesquels je continue de travailler. Vous voyez, par exemple, à l'hôtel, j'ai des piles de livres sur lesquels je me penche pour travailler sur ma prochaine série. Je ne pouvais pas prendre l'avion et venir ici en France sans emporter tous ces livres. J'adore faire des vérifications. Donc, vous voyez, je suis vraiment très intéressée par d'autres univers sur lesquels je travaille, qui seront très denses aussi. Après, je vais faire quelque chose d'historique avec la mythologie viking qui sera très présente. La question clé étant de savoir si les dieux vikings sont réels. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que les dieux vikings ont-ils abandonné cette culture? Pourquoi l'ont-ils laissé être écrasé par d'autres cultures que par la culture viking? Pourquoi est-ce que les dieux vikings auraient fait ce choix? C'est ça l'axe central. Donc, beaucoup, bien sûr, de sources que je vais utiliser, qui renvoient à la mythologie viking que j'étudie depuis longtemps. Et puis après, d'autres réflexions qui vont renvoyer à d'autres périodes et d'autres présences des dieux, pas simplement chez les vikings. Bon, on lira ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ada Palmer, d'avoir répondu aux questions. Thank you, my pleasure. Merci. Voilà, c'était notre grand entretien de fin de saison avec Ada Palmer. Entretien enregistré donc au festival Les Utopiales en novembre 2019. Le deuxième tome de la trilogie Terra Ignota, cette réédition, vient d'être traduit et publié aux éditions du Bélial. Et la traduction était assurée par Hélène Joguet. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation. Demain, c'est la dernière de cette quatrième saison et on ne déroge pas aux bonnes habitudes. Nous avons réuni de nombreuses voix familières de la méthode scientifique, tout le monde à distance ou presque, pour un véritable ballet téléphonique que vous ne partiez pas en vacances les mains vides. Tous les meilleurs conseils de lecture, de visionnage, de films, de séries, même de jeux vidéo. On vous fait une liste complète demain pour vous assurer de partir en vacances avec de la SF plein la valise. Ce sera demain donc à 16h, jusqu'à preuve du contraire.